Deuxième partie, livre cinquième. Note, ce livre a été composé à Paris en 1839 et revu en juin 1847. Fin de note. Année 1807, 1808, 1809, 1810. Article du Mercure du mois de juillet 1807. J'achète la Vallée aux Loups et je m'y retire. Les Martyrs. Armand de Chateaubriand. Année 1811, 1812, 1813, 1814. Publication de l'Itinéraire. Lettre du cardinal de Beausset. Mort de Chénier. Je suis reçu membre de l'Institut. Affaire de mon discours. Prix Décénaud. L'essai sur les révolutions. Les Natchez. Madame de Chateaubriand avait été très malade pendant mon voyage. Plusieurs fois mes amis m'avaient cru perdue. Dans quelques notes que M. de Clausel a écrites pour ses enfants et qu'il a bien voulu me permettre de parcourir, je trouve ce passage. M. de Chateaubriand partit pour le voyage de Jérusalem au mois de juillet 1806. Pendant son absence, j'allais tous les jours chez Madame de Chateaubriand. Notre voyageur me fit l'amitié de m'écrire une lettre en plusieurs pages de Constantinople que vous trouverez dans le tiroir de notre bibliothèque à Coussergues. Pendant l'hiver de 1806 à 1807, nous savions que M. de Chateaubriand était en mer pour revenir en Europe. Un jour, j'étais à me promener dans le jardin des Tuileries avec M. de Fontanes par un vent d'ouest affreux. Nous étions à l'abri de la terrasse du bord de l'eau. M. de Fontanes me dit « Peut-être dans ce moment-ci, un coup de cette horrible tempête va le faire naufrager. » Nous avons su depuis que ce pressentiment faillit se réaliser. Je note ceci pour exprimer la vive amitié, l'intérêt pour la gloire littéraire de M. de Chateaubriand qui devait s'accroître par ce voyage. Les nobles, les profonds et rares sentiments qui animaient M. de Fontanes, homme excellent, dont j'ai reçu aussi de grands services, et dont je vous recommande de vous souvenir devant Dieu. Si je devais vivre, et si je pouvais faire vivre dans mes ouvrages les personnes qui me sont chères, avec quel plaisir j'emmènerais avec moi tous mes amis. Plein d'espérance, je rapportais sous mon toit ma poignée de glane. Mon repos ne fut pas de longue durée. Par une suite d'arrangements, j'étais devenu seul propriétaire du Mercure. M. Alexandre de Laborde publia, vers la fin du mois de juin 1807, son voyage en Espagne. Au mois de juillet, je fis dans le Mercure l'article dont j'ai cité des passages en parlant de la mort du duc d'Enghien, lorsque dans le silence de l'abjection, etc. Les prospérités de Bonaparte, loin de me soumettre, m'avaient révolté. J'avais pris une énergie nouvelle dans mes sentiments et dans les tempêtes. Je ne portais pas en vain un visage brûlé par le soleil, et je ne m'étais pas livré au courroux du ciel pour trembler avec un front noirci devant la colère d'un homme. Si Napoléon en avait fini avec les rois, il n'en avait pas fini avec moi. Mon article, tombant au milieu de ses prospérités et de ses merveilles, remua la France. On en répandit d'innombrables copies à la main, plusieurs abonnés du Mercure détachèrent l'article et le firent relire à part. On le lisait dans les salons, on le colportait de maison en maison. Il faut avoir vécu à cette époque pour se faire une idée de l'effet produit par une voix retentissant seule dans le silence du monde. Les nobles sentiments refoulés au fond des cœurs se réveillèrent. Napoléon s'emporta. On s'irrite moins en raison de l'offense reçue qu'en raison de l'idée que l'on s'est formée de soi. Comment mépriser jusqu'à sa gloire, braver une seconde fois celui au pied duquel l'univers était prosterné. Chateaubriand croit-il que je suis un imbécile, que je ne le comprends pas? Je le ferai sabrer sur les marches des Tuileries. Il donna l'ordre de supprimer le Mercure et de m'arrêter. Ma propriété périt, ma personne échappa par miracle. Bonaparte eut à s'occuper du monde, il m'oublia, mais je demeurai sous le poids de la menace. C'était une déplorable position que la mienne. Quand je croyais devoir agir par les inspirations de mon honneur, je me trouvais chargé de ma responsabilité personnelle et des chagrins que je causais à ma femme. Son courage était grand, mais elle n'en souffrait pas moins, et ses orages, appelés successivement sur ma tête, troublaient sa vie. Elle avait tant souffert pour moi pendant la Révolution. Il était naturel qu'elle désirât un peu de repos. D'autant plus que Madame de Chateaubriand admirait Bonaparte sans restriction. Elle ne se faisait aucune illusion sur la légitimité. Elle me prédisait sans cesse ce qui m'arriverait au retour des Bourbons. Le premier livre de ses mémoires est daté de la Vallée aux Loups, le 4 octobre 1811. Là se trouve la description de la petite retraite que j'achetais pour me cacher à cette époque. Note. L'acquisition de la Vallée aux Loups est du mois d'août 1807. Joubert écrivait à Chênedollé le 1er septembre. Chateaubriand viendra tard à Villeneuve, car il a acheté au-delà de Sceaux un enclos de 15 arpents de terre et une petite maison. Il va être occupé à rendre la maison logeable, ce qui lui coûtera un mois de temps au moins, et sans doute aussi beaucoup d'argent. Le prix de cette acquisition, contrat en main, monte déjà à plus de 30 000 francs. Préparez-vous à passer quelques jours d'hiver dans cette solitude, qui porte un nom charmant pour la sauvagerie. On l'appelle dans le pays « Maison de la Vallée aux Loups ». J'ai vu cette Vallée aux Loups. Cela forme un creux de taillis assez breton et même assez périgourdin. Un poète normand pourra aussi s'y plaire. Le nouveau possesseur en paraît enchanté, et au fond, il n'y a point de retraite au monde où l'on puisse mieux pratiquer le précepte de Pythagore quand il tonne « Adorer l'écho ». Fin de note. Quittant notre appartement chez Madame de Coislin, nous allâmes d'abord demeurer rue des Saints-Pères, hôtel de la Valette, qui tirait son nom de la maîtresse et du maître de l'hôtel. Monsieur de la Valette, trapu, vêtu d'un habit prune de monsieur et marchant avec une canne à pomme d'or, devint mon homme d'affaires, si j'ai jamais eu des affaires. Il avait été officier du gobelet chez le roi, et ce que je ne mangeais pas, il le buvait. Note. En attendant d'aller prendre possession de la Vallée aux Loups, nous prîmes un appartement dans un hôtel garni, rue des Saints-Pères. Cet hôtel où depuis longtemps nous avions coutume de loger, quand nous n'avions pas d'appartement, était tenu par un ancien officier du gobelet de Louis XVI, coiffé à l'oiseau royal et royaliste enragé. Sa chère femme était une demoiselle de très bonne maison, veuve d'un marquis de Béville, pour lequel elle conservait un souvenir d'orgueil qui ne nuisait en rien à la tendresse qu'elle portait à son nouvel époux. Elle était sourde au point de ne rien entendre avec un cornet long d'une demi-aune et qui ne quittait jamais son oreille. Monsieur de la Valette, c'est ainsi qu'il s'appelait, était le meilleur homme du monde. Il se serait mis au feu pour nous et même nous aurait donné sa bourse, si ce n'est qu'il prenait souvent la nôtre pour la sienne. Le pauvre homme, Dieu et son âme, ne pouvait aimer quelqu'un sans se mettre de suite en communauté de biens avec lui. Il était d'une obligeance extrême, et pour être plutôt prêt à se mettre en course pour rendre un service, il ne quittait jamais sa canne à pomme d'or. Souvenir de Madame de Chateaubriand. Fin de note. Vers la fin de novembre, voyant que les réparations de ma chaumière n'avançaient pas, je pris le parti de les aller surveiller. Nous arrivâmes le soir à la vallée. Nous ne suivîmes pas la route ordinaire. Nous entrâmes par la grille au bas du jardin. La terre des allées, détrempé par la pluie, empêchait les chevaux d'avancer. La voiture versa. Le buste en plâtre d'Homère, placé auprès de Madame de Chateaubriand, sauta par la portière et se cassa le cou. Mauvais augure pour les martyrs dont je m'occupais alors. La maison, pleine d'ouvriers qui riaient, chantaient, cognaient, était chauffée avec des copeaux et éclairée par des bouts de chandelles. Elle ressemblait à un ermitage illuminé la nuit par des pèlerins dans les bois. Charmé de trouver deux chambres passablement arrangées et dans l'une desquelles on avait préparé le couvert, nous nous mîmes à table. Le lendemain, réveillé au bruit des marteaux et des chants des colons, je vis le soleil se lever avec moins de soucis que le maître des Tuileries. J'étais dans des enchantements sans fin. Sans être Madame de Sévigné, j'allais, muni d'une paire de sabots, planter mes arbres dans la boue, passer et repasser dans les mêmes allées, voir et revoir tous les petits coins, me cacher partout où il y avait une broussaille, me représentant ce que serait mon parc dans l'avenir, car alors l'avenir ne manquait point. En cherchant à rouvrir aujourd'hui par ma mémoire l'horizon qui s'est fermé, je ne retrouve plus le même, mais j'en rencontre d'autres. Je m'égare dans mes pensées évanouies. Les illusions sur lesquelles je tombe sont peut-être aussi belles que les premières, seulement elles ne sont plus si jeunes. Ce que je voyais dans la splendeur du midi, je l'aperçois à la lueur du couchant. Si je pouvais néanmoins cesser d'être harcelé par des songes. Bayard, sommé de rendre une place, répondit « Attendez que j'ai fait un pont de Cormors pour pouvoir passer avec ma garnison. Je crains qu'il ne me faille, pour sortir, passer sur le ventre de mes chimères. » Mes arbres, étant encore petits, ne recueillaient pas les bruits des vents de l'automne. Mais au printemps, les brises qui allainaient les fleurs des prés voisins en gardaient le souffle qu'elles reversaient sur ma vallée. Je fis quelques additions à la chaumière. J'embellis sa muraille de briques d'un portique soutenu par deux colonnes de marbre noir et deux cariatides de femmes de marbre blanc. Je me souvenais d'avoir passé à Athènes. Mon projet était d'ajouter une tour au bout de mon pavillon. En attendant, je simulais des créneaux sur le mur qui me séparait du chemin. Je précédais ainsi la manie du Moyen-Âge qui nous est bête à présent. La vallée aux loups, de toutes les choses qui me sont échappées, est la seule que je regrette. Il est écrit que rien ne me restera. Après ma vallée perdue, j'avais planté l'infirmerie de Marie-Thérèse, et je viens pareillement de la quitter. Note. L'infirmerie de Marie-Thérèse, située rue d'Enfer, au numéro 86, aujourd'hui rue d'Enfer-Rochereau, numéro 92, avait été fondée par M. et Mme de Chateaubriand, qui y consacrèrent des sommes considérables. Madame de Chateaubriand a été enterrée sous l'autel de la chapelle. Derrière l'autel, sur une tablette de marbre noir, on lit cette inscription. Distinguée par l'exercice des bonnes œuvres qu'inspire la religion, elle a voulu faire bénir sa mémoire par la pieuse fondation de l'infirmerie de Marie-Thérèse, faite de concert avec son époux. Fin de note. Je défie le sort de m'attacher à présent au moindre morceau de terre. Je n'aurai dorénavant pour jardin que ces avenues honorées de si beaux noms autour des Invalides et où je me promène avec mes confrères manchots ou boiteux. Non loin de ces allées s'élève le cyprès de Madame de Beaumont. Dans ces espaces déserts, la grande et légère duchesse de Châtillon s'est jadis appuyée sur mon bras. Je ne donne plus le bras qu'au temps, il est bien lourd. Je travaillais avec délice à mes mémoires et les martyrs avançaient. J'en avais déjà lu quelques livres à M. de Fontane. Je m'étais établi au milieu de mes souvenirs, comme dans une grande bibliothèque. Je consultais celui-ci, et puis celui-là. Ensuite, je fermais le registre en soupirant, car je m'apercevais que la lumière, en y pénétrant, en détruisait le mystère. Éclairés les jours de la vie, ils ne seront plus ce qu'ils sont. Au mois de juillet 1808, je tombai malade, et je fus obligé de revenir à Paris. Les médecins rendirent la maladie dangereuse. Note. Quand nous quittions le jardin, M. de Chateaubriand se mettait à travailler à ses martyrs et à son itinéraire, et nous passions ainsi très heureusement notre vie quand, au mois d'avril 1808, M. de Chateaubriand fut atteint d'une fièvre lente, avant-coureur d'une grave maladie qu'il fit pendant l'été 1808. Vers le mois de juillet ou juin, il tomba tout à fait malade. Nous revînmes loger à l'hôtel de Rivoli. Cette maladie fut longue et extrêmement douloureuse. Souvenir de Madame de Chateaubriand. Fin de note. Du vivant d'Hippocrate, il y avait disette de morts aux enfers, dit l'épigramme. Grâce à nos Hippocrates modernes, il y a aujourd'hui abondance. C'est peut-être le seul moment où, près de mourir, j'ai eu envie de vivre. Quand je me sentais tomber en faiblesse, ce qui m'arrivait souvent, je disais à Madame de Chateaubriand, « Soyez tranquille, je vais revenir. » Je perdais connaissance, mais avec une grande impatience intérieure, car je tenais, Dieu sait à quoi. J'avais aussi la passion d'achever ce que je croyais, et ce que je crois encore être mon ouvrage le plus correct. Je payais le fruit des fatigues que j'avais éprouvées dans ma course au Levant. Giraudet avait mis la dernière main à mon portrait. Il le fit noir comme j'étais alors, mais il le remplit de son génie. Note. Anne-Louis Giraudet, 1767-1824, le peintre d'Endymion, de la scène du déluge, etc., il avait exposé dans un précédent salon les funérailles d'Atala. Chateaubriand lui paya sa dette au premier chant des martyrs, où après avoir décrit le sommeil de Dore, il ajoute « Tel, un successeur d'appel a représenté le sommeil d'Endymion ». Et, dans une note de son poème, « Il était bien juste, dit-il, que je rendisse ce faible hommage à l'auteur de l'admirable tableau d'Atala au tombeau. Malheureusement, je n'ai pas l'art de M. Giraudet, et tandis qu'il embellit mes peintures, j'ai bien peur de gâter les siennes. » Fin de note. M. Denon reçut le chef-d'œuvre pour le salon. En noble courtisan, il le mit prudemment à l'écart. Quand Bonaparte passa sa revue de la galerie, après avoir regardé les tableaux, il dit « Où est le portrait de Chateaubriand ?» Il savait qu'il devait y être. On fut obligé de tirer le proscrit de sa cachette. Bonaparte, dont la bouffée généreuse était exhalée, dit en regardant le portrait « Il a l'air d'un conspirateur qui descend par la cheminée. » Étant un jour retourné seul à la vallée, Benjamin le jardinier m'avertit qu'un gros monsieur étranger m'était venu demander, que, ne m'ayant point trouvé, il avait déclaré vouloir m'attendre, qu'il s'était fait faire une omelette et qu'ensuite il s'était jeté sur mon lit. Je monte, j'entre dans ma chambre, j'aperçois quelque chose d'énorme, endormi. Secouant cette masse, je m'écrie « Hé, hé, qui est là ?» La masse tressaillit et s'assit sur son séant. Elle avait la tête couverte d'un bonnet à poils, elle portait une casaque et un pantalon de laine mouchetée qui tenaient ensemble. Son visage était barbouillé de tabac et sa langue tirée. C'était mon cousin Moreau. Je ne l'avais pas revu depuis le camp de Thionville. Il revenait de Russie et voulait entrer dans la régie. Mon ancien cicérone à Paris est allé mourir à Nantes. Ainsi a disparu un des premiers personnages de ses mémoires. J'espère qu'étendu sur une couche d'asphodèle, il parle encore de mes vers à Madame de Chastenay, si cette ombre agréable est descendue aux Champs-Élysées. Au printemps de 1809 parurent les martyrs. Le travail était de conscience. J'avais consulté des critiques de goût et de savoir, messieurs de Fontane, Bertin, Boissonnade, Maltbrun, et je m'étais soumise à leurs raisons. 100 et 100 fois j'avais fait, défait et refait la même page. De tous mes écrits, c'est celui où la langue est la plus correcte. Je ne m'étais pas trompée sur le plan. Aujourd'hui que mes idées sont devenues vulgaires, personne ne nie que les combats de deux religions, l'une finissant, l'autre commençant, n'offrent aux muses un des sujets les plus riches, les plus féconds et les plus dramatiques. Je croyais donc pouvoir un peu nourrir des espérances par trop folles. Mais j'oubliais la réussite de mon premier ouvrage. Dans ce pays, ne comptez jamais sur deux succès rapprochés. L'un détruit l'autre. Si vous avez quelque talent en prose, donnez-vous de garde d'en montrer en vers. Si vous êtes distingué dans les lettres, ne prétendez pas à la politique. Tel est l'esprit français et sa misère. Les amours propres alarmés, les envies surprises par le début heureux d'un auteur, se coalisent et guettent la seconde publication du poète pour prendre une éclatante vengeance. Tous, la main dans l'encre, jurent de se venger. Je devais payer la sotte admiration que j'avais pipée lors de l'apparition du génie du christianisme. Force m'était de rendre ce que j'avais volé. Hélas, point ne se fallait donner tant de peine pour me ravir ce que je croyais moi-même ne pas mériter. Si j'avais délivré la Rome chrétienne, je ne demandais qu'une couronne obsidionale, une tresse d'herbe cueillie dans la ville éternelle. L'exécuteur de la justice des vanités fut M. Hoffmann, à qui Dieu fasse paix. Le journal des débats n'était plus libre. Ses propriétaires n'y avaient plus de pouvoir, et la censure y consigna ma condamnation. M. Hoffmann fit pourtant grâce à la bataille des Francs et à quelques autres morceaux de l'ouvrage. Mais si Simodossé lui parut gentil, il était trop excellent catholique pour ne pas s'indigner du rapprochement profane des vérités du christianisme et des fables de la mythologie. Velléda ne me sauvait pas. On m'imputa un crime d'avoir transformé la druidesse germaine de Tacite en gauloise, comme si j'avais voulu emprunter autre chose qu'un nom harmonieux. Et ne voilà-t-il pas que les chrétiens de France, à qui j'avais rendu de si grands services en relevant leurs autels, s'avisèrent bêtement de se scandaliser sur la parole évangélique de M. Hoffmann. Ce titre des martyrs les avait trompés. Ils s'attendaient à lire un martyrologe, et le tigre qui ne déchirait qu'une fille d'Homère leur parut un sacrilège. Le martyr réel du pape Pie VII, que Bonaparte avait amené prisonnier à Paris, ne les scandalisait pas. Mais ils étaient tout émus de mes fictions, peu chrétiennes, disait-il. Et ce fut Monsieur l'évêque de Chartres qui se chargea de faire justice des horribles impiétés de l'auteur du génie du christianisme. Hélas, il doit s'apercevoir qu'aujourd'hui son zèle est appelé à bien d'autres combats. Note. L'abbé Clausel de Montal, qui devait devenir sous la Restauration évêque de Chartres. Madame de Chateaubriand, qui était beaucoup moins bonne que son mari, a fait durement expier au pauvre abbé sa critique des martyrs. « Nous vîmes, écrit-elle dans ses souvenirs, des gens se disant royalistes, des prêtres même, sous prétexte que les martyrs n'étaient pas tout à fait exempts des censures ecclésiastiques, se mettre à en dire pique-pendre. C'était une manière un peu hypocrite de faire sa cour. Ce fut ensuite, je le dis à regret, M. l'abbé H. de Clausel, aujourd'hui évêque de Chartres et frère de notre meilleur ami. Il était alors grand vicaire d'Amiens, et il pensa avec raison que ses diatribes lui vaudraient la croix d'honneur. Il reçut effectivement quelque temps après cet insigne faveur. Fin de note. Monsieur l'évêque de Chartres est le frère de mon excellent ami Monsieur de Clausel, très grand chrétien, qui ne s'est pas laissé emporter par une vertu aussi sublime que le critique, son frère. Je pensais devoir répondre à la censure comme je l'avais fait à l'égard du génie du christianisme. Montesquieu, par sa défense de l'esprit des lois, m'encourageait. J'eus tort. Les auteurs attaqués diraient les meilleures choses du monde, qu'ils n'excitent que le sourire des esprits impartiaux et les moqueries de la foule. Ils se placent sur un mauvais terrain. La position défensive est antipathique au caractère français. Quand, pour répondre à des objections, je montrais qu'en stigmatisant tel passage, on avait attaqué quelques beaux restes de l'Antique, battu sur le fait, on se tirait d'affaire en disant alors que les martyrs n'étaient qu'un pastiche. Si je justifiais la présence simultanée des deux religions par l'autorité même des pères de l'Église, on répliquait qu'à l'époque où je plaçais l'action des martyrs, le paganisme n'existait plus chez les grands esprits. Je crus de bonne foi l'ouvrage tombé. La violence de l'attaque avait ébranlé ma conviction d'auteur. Quelques amis me consolaient, ils soutenaient que la proscription n'était pas justifiée, que le public tôt ou tard porterait à un autre arrêt. M. de Fontane surtout était ferme. Je n'étais pas Racine, mais il pouvait être Boileau, et il ne cessait de me dire « Ils y reviendront ». Sa persuasion à cet égard était si profonde qu'elle lui inspira des stances charmantes. Le Tasse, errant de ville en ville, etc., etc., sans crainte de compromettre son goût et l'autorité de son jugement. En effet, les martyrs se sont relevés. Ils ont obtenu l'honneur de 4 éditions consécutives. Ils ont même joui auprès des gens de lettres d'une faveur particulière. On m'a su gré d'un ouvrage qui témoignait d'études sérieuses, de quelque travail de style, d'un grand respect pour la langue et le goût. La critique du fond a été promptement abandonnée. Dire que j'avais mêlé le profane au sacré parce que j'avais peint 2 cultes qui existaient ensemble et dont chacun avait ses croyances, ses autels, ses prêtres, ses cérémonies, c'était dire que j'aurais dû renoncer à l'histoire. Pour qui mouraient les martyrs? Pour Jésus-Christ. À qui les immolait-on? Aux dieux de l'Empire. Il y avait donc 2 cultes. La question philosophique, savoir si sous Dioclétien les Romains et les Grecs croyaient aux dieux d'Homère, et si le culte public avait subi des altérations, cette question, comme poète, ne me regardait pas. Comme historien, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Il ne s'agit plus de tout cela. Les martyrs sont restés contre ma première attente, et je n'ai eu qu'à m'occuper du soin d'en revoir le texte. Le défaut des martyrs tient au merveilleux direct que, dans le reste de mes préjugés classiques, j'avais mal à propos employé. Effrayé de mes innovations, il m'avait paru impossible de me passer d'un enfer et d'un ciel. Les bons et les mauvais anges suffisaient cependant à la conduite de l'action sans la livrer à des machines usées. Si la bataille des Francs, si Véléda, si Jérôme, Augustin, Eudore, si Modocée, si la description de Naples et de la Grèce n'obtiennent pas grâce pour les martyrs, ce ne sont pas l'enfer et le ciel qui les sauveront. Un des endroits qui plaisait le plus à M. de Fontane était celui-ci. Si Modocée s'assit devant la fenêtre de la prison, et reposant sur sa main sa tête embellie du voile des martyrs, elle soupira ses paroles harmonieuses. Léger vaisseau de l'Ausonie, fendez la mer calme et brillante. Esclave de Neptune, abandonnez la voile au souffle amoureux des vents, courbez-vous sur la rame agile. Reportez-moi sous la garde de mon époux et de mon père, aux rives fortunées du Pamisus. Volez, oiseaux de Libye, dont le cou flexible se courbe avec grâce, volez au sommet de l'Itome, et dites que la fille d'Homère va revoir les lauriers de la Messénie. Quand retrouverai-je mon lit d'ivoire, la lumière du jour si chère aux mortels, les prairies émaillées de fleurs qu'une eau pure arrose, que la pudeur embellit de son souffle? Note. Les Martyrs, livre 23. Fin de note. Le génie du christianisme restera mon grand ouvrage, parce qu'il a produit ou déterminé une révolution et commencé la nouvelle ère du siècle littéraire. Il n'en est pas de même des martyrs. Ils venaient après la révolution opérée. Ils n'étaient qu'une preuve surabondante de mes doctrines. Mon style n'était plus une nouveauté, et même, excepté dans l'épisode de Velléda et dans la peinture des mœurs des Francs, mon poème se ressent des lieux qu'il a fréquentés. Le classique y domine le romantique. Enfin, les circonstances qui contribuèrent au succès du génie du christianisme n'existaient plus. Le gouvernement, loin de m'être favorable, m'était contraire. Les martyrs me valurent un redoublement de persécutions. Les allusions fréquentes dans le portrait de Galerius et dans la peinture de la cour de Dioclétien ne pouvaient échapper à la police impériale, d'autant que le traducteur anglais, qui n'avait pas de ménagements à garder, et à qui il était fort égal de me compromettre, avait fait dans sa préface remarquer les allusions. La publication des martyrs coïncida avec un accident funeste. Il ne désarma pas les aristarques grâce à l'ardeur dont nous sommes échauffés à l'endroit du pouvoir. Ils sentaient qu'une critique littéraire qui tendait à diminuer l'intérêt attaché à mon nom pouvait être agréable à Bonaparte. Celui-ci, comme les banquiers millionnaires qui donnent de larges festins et font payer les ports de lettres, ne négligeait pas les petits profits. Armand de Chateaubriand, que vous avez vu compagnon de mon enfance, que vous avez retrouvé à l'armée des princes avec la sourde et muette Liba, était resté en Angleterre. Marié à Jersey, il était chargé de la correspondance des princes. Parti le 25 septembre 1808, il fut jeté sur les gisements de Bretagne, le même jour à 11 heures du soir, près de Saint-Cast. L'équipage du bateau était composé de 11 hommes. 2 seuls étaient français, Roussel et Quintal. Armand se rendit chez M. Delaunay Boisé-Lucas, père, demeurant au village de Saint-Cast, où jadis les Anglais avaient été forcés de se rembarquer. Son hôte lui conseilla de repartir, mais le bateau avait déjà repris la route de Jersey. Armand, s'étant entendu avec le fils de M. Boisé-Lucas, lui remit les paquets dont il était chargé de la part de M. Henri Larivière, agent des princes. « Je me rendis le 29 septembre à la côte, dit-il dans un de ses interrogatoires, où je restai 2 nuits sans voir mon bateau. La lune étant très forte, je me retirai et je revins le 14 ou le 15 du mois. Je restai jusqu'au 24 dudit. Je passai toutes les nuits dans les rochers, mais inutilement, mon bateau ne vint pas, et le jour je me rendais au Boisé-Lucas. Le même bateau et le même équipage, dont Roussel et Quintal faisaient partie, devaient me prendre. À l'égard des précautions prises avec Boisé-Lucas père, il n'y en avait pas d'autres que celles que je vous ai déjà détaillées. » L'intrépide Armand, abordé à quelques pas de son champ paternel comme à la côte inhospitalière de la Tauride, cherchait en vain des yeux sur les flots, à la clarté de la lune, la barque qu'il aurait pu sauver. Autrefois, ayant déjà quitté Combourg, prêt à passer aux Grandes Indes, j'avais promené ma vue attristée sur ces flots. Des rochers de Saint-Cast, où se couchait Armand, du cap de la Varde, où j'étais assis, quelques lieues de la mer, parcourues par nos regards opposés, ont été témoins des ennuis et ont séparé les destinées de 2 hommes unis par le nom et le sang. C'est aussi au milieu des mêmes vagues que je rencontrai Jesril pour la dernière fois. Il m'arrive assez souvent dans mes rêves d'apercevoir Jesril et Armand laver la blessure de leur front dans l'abîme, en même temps que ses pans, rougit jusqu'à mes pieds l'onde avec laquelle nous avions accoutumé de nous jouer dans notre enfance. Armand parvint à s'embarquer sur un bateau acheté à Saint-Malo, mais, repoussé par le nord-ouest, il fut encore obligé de caler. Enfin, le 6 janvier, aidé d'un matelot appelé Jean Brienne, il mit à la mer un petit canot échoué et s'empara d'un autre canot à flot. Il rend compte ainsi de sa navigation qui tient de mon étoile et de mes aventures dans son interrogatoire du 18 mars. Depuis les 9 heures du soir que nous partîmes, jusque vers les 2 heures après minuit, le temps nous fut favorable. Jugeant alors que nous n'étions pas éloignés des rochers appelés les Minquiers, nous mîmes à l'ancre dans le dessein d'attendre le jour. Mais le vent ayant fraîchi et craignant qu'il n'augmentât davantage, nous continuâmes notre route. Peu de moments après, la mer devint très grosse, et notre compas ayant été brisé par une vague, nous restâmes dans l'incertitude de la route que nous faisions. La première terre dont nous eûmes connaissance le 7, il pouvait être alors midi, fut la côte de Normandie, ce qui nous obligea à mettre à l'autre bord, et de nouveau nous revînmes mettre à l'ancre près des rochers appelés Écréaux, situés entre la côte de Normandie et Jersey. Les vents contraires et forts nous obligèrent à rester dans cette situation tout le reste du jour et la journée du 8. Le 9 au matin, dès qu'il fit jour, je dis à De Pagne qu'il me paraissait que le vent avait diminué, vu que notre bateau ne travaillait pas beaucoup, et de regarder d'où venait le vent. Il me dit qu'il ne voyait plus les rochers près desquels nous avions mis l'ancre. Je jugeai alors que nous allions en dérive et que nous avions perdu notre ancre. La violence de la tempête ne nous laissait d'autre ressource que de nous jeter à la côte. Comme nous ne voyions point la terre, j'ignorais à quelle distance nous pouvions en être. Ce fut à ce moment que je jetai à la mer mes papiers, auxquels j'avais pris la précaution d'attacher une pierre. Nous fîmes alors vent arrière et fîmes côte vers les 9 heures du matin à Bretteville-sur-Haye, en Normandie. Nous fûmes accueillis à la côte par les douaniers, qui me retirèrent de mon bateau presque mort, ayant les pieds et les jambes gelés. On nous déposa l'un et l'autre chez le lieutenant de la brigade de Bretteville. 2 jours après, De Pagne fut conduit dans les prisons de Coutances, et depuis cette époque je ne l'ai pas revu. 2 jours après, je fus moi-même transféré à la maison d'arrêt de cette ville. Le lendemain, je fus conduit par le maréchal des logis à Saint-Lô, et je restai 8 jours chez ce même maréchal des logis. J'ai paru une fois devant monsieur le préfet du département, et le 26 janvier, je partis avec le capitaine et le maréchal des logis de gendarmerie pour être amené à Paris, où j'arrivai le 28. On me conduisit au bureau de monsieur Desmarets, au ministère de la police générale, et de là à la prison de la Grande Force. Armand eut contre lui les vents, les flots et la police impériale. Bonaparte était de connivence avec les orages. Les dieux faisaient une bien grande dépense de courroux contre une existence chétive. Le paquet jeté à la mer fut rejeté par elle sur la grève de Notre-Dame d'Alloue, près Valognes. Les papiers renfermés dans ce paquet servirent de pièces de conviction. Il y en avait 32. Quintal, revenu avec son bateau aux plages de la Bretagne pour prendre Armand, avait aussi, par une fatalité obstinée, fait naufrage dans les eaux de Normandie, 2 jours avant mon cousin. L'équipage du bateau de Quintal avait parlé, le préfet de Saint-Lô avait su que M. de Chateaubriand était le chef des entreprises des princes. Lorsqu'il apprit qu'une chaloupe, montée seulement de 2 hommes, était atterrie, il ne douta point qu'Armand ne fût un des 2 naufragés, car tous les pêcheurs parlaient de lui comme de l'homme le plus intrépide à la mer qu'on eût jamais vu. Le 20 janvier 1809, le préfet de la Manche rendit compte à la police générale de l'arrestation d'Armand. Sa lettre commence ainsi. « Mes conjectures sont complètement vérifiées. Chateaubriand est arrêté. C'est lui qui a abordé sur la côte de Bretteville et qui avait pris le nom de John Fall. Inquiet de ce que, malgré des ordres très précis que j'avais donnés, John Fall n'arrivait point à Saint-Lô, je chargeai le maréchal des logis de gendarmerie Mauduit, homme sûr et plein d'activité, d'aller chercher ce John Fall partout où il serait, et de l'amener devant moi dans quelque état qu'il fût. Il le trouva à Coutances, au moment où l'on se disposait à le transférer à l'hôpital pour lui traiter les jambes qui ont été gelées. Fall apparut aujourd'hui devant moi. J'avais fait mettre le lièvre dans un appartement séparé, d'où il pouvait voir arriver John Fall sans être aperçu. Lorsque le lièvre l'a vu monter les degrés d'un perron placé près de cet appartement, il s'est écrié, en frappant des mains et en changeant de couleur, « C'est Chateaubriand, comment donc l'a-t-on pris ?» Le lièvre n'était prévenu de rien. Cette exclamation lui a été arrachée par la surprise. Il m'a prié ensuite de ne pas dire qu'il avait nommé Chateaubriand, parce qu'il serait perdu. J'ai laissé ignorer à John Fall que je susse qui il était. Armand, transporté à Paris, déposé à la force, subit un interrogatoire secret à la maison d'arrêt militaire de l'abbaye. Bertrand, capitaine à la première demi-brigade de vétérans, avait été nommé par le général Hulin, devenu commandant d'armes de Paris, juge rapporteur de la commission militaire chargée par décret du 25 février de connaître l'affaire d'Armand. Les personnes compromises étaient M. de Goyon, envoyé à Brest par Armand, et M. de Boisé-Lucas, fils, chargé de remettre des lettres de Henri Larivière à MM. Layat et Sicard à Paris. Dans une lettre du 13 mars, écrite à Fouché, Armand lui disait « Que l'empereur daigne rendre à la liberté des hommes qui languissent dans les prisons pour m'avoir témoigné trop d'intérêt. À tout événement, que la liberté leur soit également rendue. Je recommande ma malheureuse famille à la générosité de l'empereur. » Ces méprises d'un homme à entrailles humaines qui s'adresse à une hyène font mal. Bonaparte aussi n'était pas le lion de Florence. Il ne se dessaisissait pas de l'enfant aux larmes de la mère. J'avais écrit pour demander une audience à Fouché. Il me l'accorda et m'assura, avec l'aplomb de la légèreté révolutionnaire, qu'il avait vu Armand, que je pouvais être tranquille. Qu'Armand lui avait dit qu'il mourrait bien et qu'en effet il avait l'air très résolu. Si j'avais proposé à Fouché de mourir, eût-il conservé à l'égard de lui-même ce ton délibéré et cette superbe insouciance ? Je m'adressai à Madame de Rémusat, et je la priai de remettre à l'impératrice une lettre de demande de justice ou de grâce à l'empereur. Madame la duchesse de Saint-Leu m'a raconté à Arenenberg le sort de ma lettre. Joséphine la donna à l'empereur. Il parut hésiter en la lisant, puis rencontrant quelques mots qui le blessèrent, il la jeta au feu avec impatience. J'avais oublié qu'il ne faut être fier que pour soi. M. de Goyon, condamné avec Armand, subit sa sentence. On avait pourtant intéressé en sa faveur Madame la baronne duchesse de Montmorency, fille de Madame de Matignon, dont les Goyon étaient alliés. Une Montmorency domestique aurait dû tout obtenir. S'il suffisait de prostituer un nom pour apporter à un pouvoir nouveau une vieille monarchie. Madame de Goyon, qui ne put sauver son mari, sauva le jeune Boisé-Lucas. Tout se mêla de ce malheur qui ne frappait que des personnages inconnus. On eût dit qu'il s'agissait de la chute d'un monde. Tempête sur les flots, embûches sur la terre, Bonaparte, la mer, les meurtriers de Louis XVI, et peut-être quelques passions, âmes mystérieuses des catastrophes du monde. On ne s'est pas même aperçu de toutes ces choses. Tout cela n'a frappé que moi et n'a vécu que dans ma mémoire. Qu'importait à Napoléon des insectes écrasés par sa main sur sa couronne ? Le jour de l'exécution, note, elle eut lieu le jour du vendredi saint, 31 mars 1809. Fin de note. Je voulus accompagner mon camarade sur son dernier champ de bataille. Je ne trouvais point de voiture, je courus à pied à la plaine de Grenelle. J'arrivai tout en sueur, une seconde trop tard. Armand était fusillé contre le mur d'enceinte de Paris. Sa tête était brisée. Un chien de boucher léchait son sang et sa cervelle. Je suivis la charrette qui conduisit le corps d'Armand et de ses deux compagnons, plébéiens et nobles, Quintal et Goyon, au cimetière de Vaugirard où j'avais enterré M. de la Harpe. Je retrouvai mon cousin pour la dernière fois sans pouvoir le reconnaître. Le plomb l'avait défiguré, il n'avait plus de visage. Je n'y pus remarquer le ravage des années, ni même y voir la mort au travers d'un orbe informe et sanglant. Il resta jeune dans mon souvenir, comme au temps du siège de Thionville. Il fut fusillé le vendredi saint. Le crucifié m'apparaît au bout de tous mes malheurs. Lorsque je me promène sur le boulevard de la plaine de Grenelle, je m'arrête à regarder l'empreinte du tir, encore marquée sur la muraille. Si les balles de Bonaparte n'avaient laissé d'autres traces, on ne parlerait plus de lui. Étrange enchaînement de destinées. Le général Hulin, commandant d'armes de Paris, nomma la commission qui fit sauter la cervelle d'Armand. Il avait été jadis nommé président de la commission qui cassa la tête du duc d'Enghien. N'aurait-il pas dû s'abstenir, après sa première infortune, de tout rapport avec un conseil de guerre ? Et moi, j'ai parlé de la mort du fils du grand Condé sans rappeler au général Hulin la part qu'il avait eue dans l'exécution de l'obscur soldat, mon parent. Pour juger les juges du tribunal de Vincennes, j'avais sans doute à mon tour reçu ma commission du ciel.